Chapitre 5. Siège de Québec. Lorsque les sauvages de l'Ouest étaient venus à Montréal, comme nous l'avons dit, ils avaient terminé tout leur pourparler en prêtant un serment d'allégeance. Cette démonstration excita au dernier point le ressentiment des Anglais, qui jurèrent de faire le plus grand effort qu'ils eussent encore tenté contre la colonie. Ils envoyèrent à la fois 16 000 hommes par le lac Champlain, et une flotte de 36 vaisseaux partie de Boston, conduite par leur meilleur homme de guerre, l'amiral Phipps. L'armée du lac Champlain se trouva arrêtée inopinément par la petite Vérole, qui fit de tels ravages que les troupes revinrent sur leurs pas. Quant à la flotte, elle perdit beaucoup de temps à se consulter, de telle sorte que lorsqu'elle arriva devant Québec, tous les préparatifs avaient été faits pour la recevoir. Toute l'enceinte était garnie de canons. La ville était fournie de provisions et de munitions. Enfin, les troupes de Montréal avaient eu le temps de s'équiper pour se rendre à Québec. L'amiral Phillips envoya un parlementaire. Les Français l'accueillirent et lui bandèrent les yeux. Puis ils s'amusèrent à le faire passer par toutes sortes de retranchements, de tranchées, d'inégalités de terrain, pour lui donner l'idée que la ville était munie des plus redoutables fortifications. Introduit au château du gouverneur, il se vit entouré d'une multitude d'officiers qui, pour la circonstance, s'étaient revêtus de tout ce qu'ils avaient de plus riche en galons d'or et d'argent, en rubans et en plumes, comme dans les réceptions les plus solennelles. L'officier, à la vue d'un concours si nombreux et si imposant, parut interdit et devint presque tremblant. Il se mit alors à lire la dépêche de l'amiral, dont le ton hautain et impérieux contrastait de la manière la plus plaisante avec l'air terrifié du mandataire. Et comme l'amiral concluait en demandant qu'il lui fût répondu dans une heure, Frontenac d'une voix tonnante s'écria qu'il ne le ferait pas attendre si longtemps et qu'il lui répondrait non par écrit, mais par la bouche de ses canons. Ceci se passait le 15 octobre 1690. Le 16, 2000 Anglais débarquèrent à la rivière Saint-Charles. Vers le soir, on entendit dans la haute ville un grand bruit de roulement de tambours et de fifres. C'étaient les gens de Montréal qui arrivaient au nombre de 800, avec M. de Longueuil, M. de Sainte-Hélène et M. de Maricourt. Ils étaient accompagnés d'un grand nombre de coureurs de bois et de volontaires chantant et poussant des cris de guerre en entrant dans la ville. Un prisonnier français à bord du vaisseau amiral dit à l'amiral « Vous avez perdu votre chance ». « Ce sont les gens de Montréal qui arrivent. » Le jour suivant, les Anglais campés à la rivière Saint-Charles se mirent en marche, et alors, de plusieurs bosquets de bois, partirent des feux de peloton qui écrasèrent les assaillants. Il leur semblait que chaque arbre cachait un sauvage armé, et ils ne savaient comment viser leurs adversaires. Phipps, voyant que cette attaque ne réussissait pas, amena tous les vaisseaux devant la ville et commença à tirer. L'attaque était dirigée avec une telle vigueur que de vieux officiers déclarèrent qu'ils n'avaient jamais entendu une pareille canonnade. Le bruit était répété par les montagnes et se prolongeait comme les roulements du tonnerre. Mais l'effet était nul et les boulets se perdaient sur les rocs de la ville. Sainte-Hélène et Maricourt, qui étaient revenus de la rivière Saint-Charles, dirigeaient le tir des canons de la basse ville. Au premier coup, ils atteignirent le pavillon du vaisseau amiral, qui tomba dans le fleuve. Le courant le porta sur la rive, et aussitôt un canot d'écorce alla le prendre sous le feu de la mousqueterie des Anglais, et il fut porté à la cathédrale. Il y est resté jusqu'en 1760. Bientôt les vaisseaux anglais furent criblés de coups et désemparés, et l'amiral fut obligé de retirer sa flotte du combat. Alors les ennemis préparèrent une seconde attaque par terre. Le lendemain, les Anglais voulurent commencer une nouvelle descente vers la rivière Saint-Charles. Ils débarquèrent 1 000 000 d'hommes avec des pièces d'artillerie. Mais ils montraient plus de courage et de bonne volonté que de tactique et de discipline. Ils perdirent encore 300 ou 400 hommes et ils blessèrent une quarantaine de soldats français et de sauvages. Monsieur de Sainte-Hélène fut atteint d'une balle. La blessure empira malheureusement et l'emporta en peu de jours. Il était âgé de 31 ans. Nous avons vu, comme il se signalait, à la première expédition de la baie d'Hudson et ensuite à l'expédition de Schenectady. Nul ne le dépassait en agilité et en adresse dans les expéditions des bois. Ce fut une grande perte pour les Français et une grande douleur pour sa mère. Les Français environnèrent le camp et ils se préparèrent à l'attaque au lever du soleil. Les Anglais, renonçant à la lutte, s'embarquèrent en toute hâte vers minuit et ils perdirent encore 50 hommes pendant qu'ils montaient dans leur chaloupe. Le jour étant survenu, on fit transporter à Québec les tentes et les canons qui avaient été abandonnés. L'amiral Phipps appareilla pour partir, et aussitôt M. de Frontenac envoya M. de Longueuil avec une chaloupe qui traversa la flotte anglaise et arriva à temps vers l'île aux Coudres pour rencontrer M. d'Iberville, qui arrivait du nord. M. de Frontenac fit alors chanter un Te Deum dans la cathédrale avec toute la solennité possible.